Je circule en agglomération. La zone dangereuse associée aux travaux est donc située à 50 mètres environ. Des hommes travaillent à cet endroit. Je dois donc ralentir. Je dois aussi faire attention à la présence de gravillons ou de boue sur la chaussée, même par beau temps et quel que soit le jour de la semaine. Réponse A et C.